Tu aurais juste fait Alif et Adab. Non, non. Rabian, kem rialen satatfa'u. Rialat. Non. Ashiran. Au khamisan, c'est le même. Sauf que là, c'est un mouannas. Kem nafizatan, ou plutôt, non, Alexandre. Kem projiratan, fil funduk. Alhamdulillah. Yadikum asluha. Yadikum wa asluha barakum. أقول نعيد كم حجرتين في الفندق؟ في الفندق عشرة حجرتين. لا. اللي بقى في البيلة. عشرة. لا اللي المبتدا مؤخر. لا بدي هبلة. حجرات في الفندق عشر حجرات عشر نعم حجرة مؤنث عشر لك مذكر عشر عشر ها عشر وعشر عشر ثانيا كم ممرضتان في المستشفى؟ combien de soignantes dans l'hôpital عندك؟ في 9 ممرضات نعم ثالثا كم طالبة في الفصل؟ في الفصل 8 طالبة 8 طالبات خامسا كم طائرة في المطار كم دافيون ولا يغبر كم حاجة ماش تنسوا لسنجون سوكس فاقا في سلا لا سنك كم طائرة في المطار نعم فيه ست طائرات نعم نصر رابع نعم كم حافلة في الموقف combien de cars à la station filmons au pif sabaou sabaou hafilatin طيب hafilatin طيب et ça dit soit ensemble ça ça non une des فراغات التي بين قوسين كما في النموذج طيب الجملة الأولى في المكتب عشرة عمال نعم dans le bureau il y a 10 employés ثانيا دفعت عشرة ريالات نعم فانت j'ai payé 10 ريال ثالثا ثمن الكتاب 30 ريالا نعم On a dit que le djem vient que de 3 à 10. Après, c'est pas un mot un djem qui vient, c'est un moufrad. Tayeb, Rabian, Ndek, Akamtu, il Kahira, Là. Là, on veut pas 15e là. On veut 15 direct. Andek Adolahmen. Akamtu fil Qahirati 10 ayyam. Là, c'est pas 10, Malek. Ah oui, non, 15 شهر 15 شهر يوما يوما يوما خامسا في المدرسة ثلاثة لا c'est pas ثلاثة C'est quoi le chiffre qui est entre parenthèses C'est un 3 ça Faudel Rabia Là, t'avais dit la bonne note ton fils avant. Rabia Là, après. Arba Là. Arbaou Naam. Arbaoumia Naam. Mais là, c'est féminin, là, je comprends. Eh ben oui, Arba, il est masculin. Hein. T'as tout compris. Mia, est masculin ou féminin? Mia, il est féminin. Ben donc, Arba, oui, il est masculin. Hein. Il y a un nouveau. Toyeb. Ça, dit ça? خمسمائة مسجد. أيوة. سوف يمد في كتاب التمرين. سابعا صلى الجمعة أكثر من مسلمين. صلى الجمعة أكثر من ألف مسلمين. لا. C'est pas Alfin. Alfi. Moudaf. Alfi. Faminan. Inda Ibrahima Ihda Asharata Waladan. Là. Ihda. Je sais pas comment dire. Ihda. Là. Ihda c'est féminin. Ihda. Ahada Ashara. Naam. Ahada Ashara. Moi j'ai demandé un frère pour ça. Il m'a dit, vas-y, tu peux dire. Comme on disait. Ah. Il m'a dit tu peux mettre Hadi. Hadi Rachara. Là. Hadi c'est. Ah non, quand tu dis Ibrahim, il a 11e enfant, ça n'a pas le sens. Ouais, mais il me dit ouais, ça dépend de la phrase. Ah bah c'est toute ta question, tu n'as pas même posé la question. Je lui ai dit comment on dit. Je vais montrer la phrase. Je vais pas montrer la phrase. C'est ça. Il me dit ouais, tu peux. Comme il n'a pas vu la phrase, il n'a pas le sens de ta question, je pense. T'as Asiran Fissana. Douze dans l'un. Quelle lettre De quel mot Des chiffres. 11 à 19, ils sont tous avec une fatha tout le temps. Achir Fissa'ati, c'est tout la daqiqa. Non. Adi Achar Fidakiya c'est une seconde. Ah bah Fania c'est une deuxième, là ça veut dire une seconde. Ashiran istakhdim kull kalimatin min kalimat al-atiya fi jumlatin mufida. Munasib. نعم هذا السلاح مناسب لك وانت ماذا كتبت مناسب سي كوا سي كوا سي لا قيو دي تيكست ها اون لا بري ديجا نو لا تي جون دادي وا اون كوني دادي وا سي لو اسم فاعل مي موا جي با كومبريس كو سي لا كورسبوندانس Dans le texte, je l'ai traduit. Et on a appris, c'est-à-dire quoi, un ensemble de nasibou? C'est combien correspond. Allez voir. Mais là, moi, je ne sais pas c'est quoi le nasibou. C'est quoi? C'est celui qui paye? C'est celui qui... C'est quoi? T'as écrit quoi, toi? Al-Munasib. J'ai... Je voulais dire dans la correspondance, mais je ne sais pas si c'est bien. Non, c'est pas ça. Al-Munasib, c'est convenable. Chose qui convient. Fanyen, As'ar. Kullu As'ar. Kullu As'ar, il fait un doukan, il y a Maktouba. Allez, bon, étape. Asfar al-Kutub, Kalifu, Khamsin al-Riyal. Tu Kalifu Khamsin. Khamsin. Khamsin il m'a choulbi. Je comprends pas les chiffres. Hmm? Je comprends pas les chiffres. Non, d'où c'est pas ici, tu comprends pas. Tu arrives souvent de faire ça, tu n'as pas repris une chose et après tu l'englobes. Ça ne sert à rien avec les chiffres. Mais on n'a pas mis les chiffres, il faut que tu comprennes qu'après tout qu'elle lit, c'est ma faute billet qui vient. Et ma faute billet est mansoub. Et après on a pris certains signes du nasb. Ça peut être la fatha d'origine, ça peut être la kasra quand c'est djem onas salim, et que c'est un ya quand c'est un djem zakas salim, ce qui ressemble. طيب مقدما عندك مقدما نوبلي حسن هدف صح حسنا أعمالك بيت حسن فالدكتور الذي يفحصني حسنا عيد الدكتور الذي يفحصني يفحصني ايوه حسن اما اللي فريمون سوب لا عملوا في بيتي حسنا كذلك لا عملوا في بيتي طبعا خاطر هذا خبر لا يتلبت دون تيكس كومو تون اون جينيرال او ديبي دو فراز جو كوم سيتي لي ريبونس عملوك يكون حسنا نعم طيب كذا وانت قدم الجزاء للسفاة حسنا وليك على جلب لا لما نفرز لحسن يبا يتجيب تلمات Par contre, si tu dis par exemple, l'employé dit Koddim, Jawaz Safar, à quelqu'un, lui répond Hassanan et lui donne comme réponse tout seul. Al Dafa. Allazi yadfa al Dafa ou al Dafa. Mashallah, c'est logique. Et on t'a un taf bibitoka, c'est par carte. C'est le kimharram. Hein? C'est pas bon? Ah ouais. C'est le vimus sahiha. Un alfil khata. Aslan. Il fait pas d'ahwal daroura, mais qu'il n'est aslan ou muharram. Il y a même un an à quête de fabrique banque. Taïb, mukaddaman. أعطيني الفلوس مقدما. نعم. مقدما بالفتحة. وأنت؟

Fursa, c'est une occasion. Fursa, c'est une occasion. Tayyiba, c'est une bonne. On espère te revoir une autre fois. Enfin, on espère te voir une autre fois, mais on sait que ça veut dire te revoir en fait. Natamanna an narawka maratan ukhra. Khalid, ايش يقول? Et c'est toujours Moutaza? Ça dépend. Là, le Mouannath. Parce que là, il y a Khidma. Et Khidma, le Mouannath. C'est Mouzaka, par exemple, tu as coulé Adaf Kitab. Tu veux dire quoi? Moumtaz. Adaf Kitab, Moumtaz. Ah, voilà. Istamir Waraddid. Donc, il pose la question avec la réponse par rapport à l'heure. يقول كم الساعة الآن؟ كلا رجل متنا الساعة الآن الواحدة تماما. donc l'heure actuellement est une heure pile. nous on va pas répéter l'heure actuellement chez nous. on va dire il est une heure pile. مثلا الواحدة en fait c'est la première en arabe. allez Ce serait par la première, mais nous on va dire une heure directement. Mon arbre c'est la première. La première heure en fait. Salisan, kem as-sa'atu al-an? Quelle heure est-il maintenant? Yaqul, as-sa'atu al-an, as-thaniya tamaman. Donc là c'est, il est exactement deux heures, ou il est deux heures pile. Pareil, il va dire as-thaniya pour dire la deuxième, mais nous on dit deux heures directement. ماذا أظن؟ وإلى لقاء دل الحمام؟ لا خامسا الساعة الآن عفوا السؤال أولا الساعة الآن أي في السؤال؟ سمع وهمت جاوبت الكسرين أبا الساعة الآن الثالثة تماما هي 3 ساعات كمان وبيل سادسا الساعة الآن الرابعة تماما هي 4 ساعات بيل سابعا الساعة الآن الخامسة تماما 5 heures pile ثامنا الساعة الآن السادسة تماما 6 heures pile تاسعا الساعة الآن السابعة تماما 7 heures pile عاشرا الساعة الآن الثامنة تماما 8 heures pile الساعة الآن التاسعة تماما 9 heures pile ثاني عشر الساعة الآن العاشرة تماما ديزيربيل دونك لا يوجد لي زوغوند 100 مينوت طيب بور دير اونور سي الواحدة دو زور الثانية و زور الثالثة اسي تسويت اين عاصم الساعة الآن الحادية عشرة تماما الى 11 رابع عشر الساعة الآن الثانية عشرة دوزيما n'oubliez pas comme je le répète de 11 à 19 que ce soit des chiffres يعني définis comme 11 ou مثل 11 ou le 11e 11 ils prennent tous une fatha tout le temps هذا يسمى العدد المركب. العدد المركب c'est celui qui a de 11, c'est le nombre composé en fait. Si on a de 11 à 19, il est composé de deux parties. طيب, qui est un nombre et après 10. Et les deux, ils prennent une fatha tout le temps. Et le premier des deux, à partir de 13 à 19, il prend les mêmes règles que de 3 à 10. C'est-à-dire le premier nombre il va s'opposer au dénombré. Par exemple, 13 hommes. Comment tu vas dire ? Salasta asha rajulan. Salasata, tu vas dire. Parce que rajul, il est muzakkar. Par contre, asha, lui aussi le dénombré. Tu vas dire asha. Ouais. C'est un vrai millimélo. Ça y est, ça, ça vient dans le pays, parce qu'ils vont pas le. Ça, ils n'ont pas traité dans le livre. Mais juste pour vous le dire, tout ça vous éclaircir bon, ce qui a pu venir. Donc là, en fait, Hadi, là, par exemple,

Donc regarde l'heure, ensuite réponds. On va faire ensemble celui-là. Ouais, hein? Kam sa'atu al-an, celle-là. On fait quoi, de droite à gauche? On fait de en bas, après, première colonne, celle-là, après celle d'après. Ailleurs? Sittatu wa thalatha daqaiq. Non. Mais d'accord, c'est quoi, c'est fini l'enfant? Non, c'est d'accord. En dessous, كم الساعة الآن? Ça, c'est celui-là. الساعة الآن, c'est 10 heures. Là, c'est l'heure maintenant, c'est pas la minute qu'on veut. L'heure, elle vient pas comme ça. Ayo, tasiatu. Tasiatu. Wa khamsu. Wa. Nam. Khamsu dakai. Ahsant. Taht. As-sa'atu al-an. Sab'un. Sab'ata. Sab'atu. As-sa'atu al-an. Sab'atu. As-sabi'atu. As-sabi'atu. As-sa'atu al-an. As-sabi'atu. Wa. وإحدى وحادية وإحدى عشرة دقائق نعم إحدى عشرة دقيقة دقيقة طيب سل دقائق ساعات الآن السبعة إلا خمسة دقائق أحسنت تحت الساعة الآن الواحدة إلا ربع دقائق لا إلا ربع أيوة دي بدر دقائق إلا ربع وجد أيوة إلا ربع تحت الساعة الآن واحدة ouais واحدة tu vas te compliquer la tâche là. Tu peux le dire comme tu vas dire c'est plusieurs là ils veulent le il tu peux le dire واحدة ou ربع دقيقة tu peux le dire mais c'est pas ça qu'ils veulent الساعة الآن الثانية إلا نعم إلا ثلثا لا تجي بدك هاي إلا ثلثا تجي عن سيارة دمينت إلا ثلثا تجي بدك كلا يا طيب يضد الباقي في البيت الباقي في البيت طيب بقية خامسا إن الفراغات في الجمل الآتية باختيار كلمات مناسبة مما يلي دونك لا فمت لمود طريقو عندنا نرجو وغادر والفاتورة الممتازة وجهزة ودقيقة وأعجبة وصونا فندق الصداقة الخدمة فيه الفراغ طيب ثانيا ولذلك فراغ خالدا كيف ما تلوها خالد نعم ثالثا فراغ الموظف الحساب في الساعة السابعة صباحا رابعا استلم خالد فراغ في الساعة التاسعة وثلاثين خامسا قال الموظف لخالد فراء أن نراك مرة أخرى سادسا فراء خالد الفندق في الساعة العاشرة تماما يعني أكثر أجوبة موجودة في النص la plupart des réponses sont présentes dans ولذلك pour cela. Non. طيب نكمل اقرا ايوه نعم غدا ما في درس عن الحراسه دونك في النساء ان شاء الله pour entrer dans un sujet plus intéressant par la suite ان شاء الله فكري ça va être simple même c'est déjà mieux que faire un tour en train quoi طيب اقرا يقول كلمة الجديدة فعل يفعل معروف فعل أجرى أجرى معنى ثمن et prix en fait ça peut être un salaire aussi أجرى ça peut être un salaire quoi فرقون c'est différence فرق différence فنادق c'est le jam de فندق فنادق في الجم دو فندق عرف يعرف c'est faire connaître عرف يعرف c'est faire connaître نعم لا c'est عرف connaître عرف en fait فايدة quand tu arrives tout seul à la voix فعلة c'est faire une chose et quand tu viens avec la voix فعلة c'est faire faire la chose souvent. Par exemple, je dis Jalassa Mohamed. Mohamed s'est assis. On a cool. Jalassa Mohamed. J'ai fait asseoir Mohamed. Faïb Sakra. Yakul. Khalidun yuridu fundukan munasiban min darajatil thaniya. Donc Khalid veut un hôtel abordable, faïb, convenable, de deuxième classe. فضل خالد فندق الصداقة لأن غرفه واسعة وجرته مناسبة. Donc Khalid a préféré l'hôtel الصداقة car ses chambres sont spacieuses et son prix, loyer on va dire, est abordable. قابل خالد موظف الاستقبال وطلب منه غرفة لشخص واحد. Donc Khalid a rencontré l'employé d'accueil. L'autre, on va dire, j'espère que c'est pas une hôtesse. Non, c'est un homme. C'est un homme. وَطَلَبَ مِنْهُ غُرْفَةً لِشَخْصٍ وَاحِدٍ. Et a désiré de lui une chambre pour une personne. عَرَفَ خَالِدٌ أَنْ أُجْرَةَ الْغُرْفَةِ 100 رِيَالٍ فِي الْيَوْمِ. Donc, Khalid a su que le loyer d'une chambre est de 100 riyals par jour. أقام خالد في غرفته بالطابق الحادي عشر أربعة أيام ثم دفع الحساب وغادر الفندق وشكر الموظف. Donc Khalid a résidé dans sa chambre au 11e étage 4 jours. Et 4 أيام 4 jours. Ensuite, il a payé le compte et a quitté l'hôtel et a remercié l'employé. أولا يقول أجيب الأسئلة الآتية. Donc ça sera pour le prochain درس. Et pour question suivante. ماذا يريد خالد؟ Que veut خالد؟ ثانيا في أي فندق نزل خالد؟ Dans quel hôtel s'est rendu خالد؟ ثالثا لماذا فضل خالد فندق الصداقة؟ Pourquoi est-ce que خالد a préféré l'hôtel الصداقة؟ رابعا في أي طابق سكن خالد à quel étage habité خالد كم أجرة الغرفة في اليوم combien le loyer d'une chambre par jour ثالثا ماذا فعل خالد قبل أن يغادر الفندق qu'est-ce qu'a fait خالد avant de quitter l'hôtel أسئلة سهلة طيب ثانيا كون حوارا لا خلي هذا لا ليس الدو خلو ما لدون لس إن شاء الله ثالثا لماذا طلب موظف الاستقبال البطاقة الشخصية من خالد لا فرام تي بان كويزي pourquoi est-ce que le موظف l'employé d'accueil a désiré la carte d'identité de خالد ثانيا لماذا فضل خالد الفندق صداقة on a la réponse elle est dans le texte ثالثا ما الفرق بين فنادق الدرجة الأولى والثانية Quelle est la différence entre les hôtels de première classe et ceux de deuxième classe? Il va falloir aussi réfléchir. Rabi'an, ma amalu muwazzaf al-istiqbal fi al-funduq. Quel est le travail de l'employé d'accueil dans l'hôtel? Wa rabi'an, ijtihad shakhsi. Ça c'est un effet personnel. On va copier le texte entièrement. Ma foum ala. Allez, révisez l'heure et entraînez-vous. Inch'Allah. Pas le mal, c'est le temps pour faire un mesure. Au début, c'est. Tu bégayes, tu titubes, comme on dit, tu déambules, et après, Inch'Allah, tu vas répondre directement au début. Alhamdulillah.